de doux est parti tout là-bas, l'autre côté de la mer qui est devant moi. Sur ma tête il y a toujours le soleil, mais là-bas c'est sûrement pas pareil. Elle reviendra pas, toi tu es toujours là. C'est sûr qu'elle va prendre foi dans ce pays, qui est-ce qui la soignera? Et alors peut-être bien qu'elle mourra, mais le bon Dieu il ne peut pas me faire ça. Ça fait bien longtemps que je l'attends. Ma doudou reviendra un matin, et pourquoi ce serait pas demain? Près de moi toujours elle restera. Je veux pas qu'elle retourne là-bas. Il y a bien longtemps que je l'attends. Alors je lui dis, pourquoi?